Simon, tu vas nous parler de natalisme. Ouais, alors en gros, je suis tombé sur un article de Business Insider il y a pas longtemps qui était passionnant et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Déjà, je vais commencer par une question. Est-ce que vous savez, parce qu'on voit souvent que ça passe un peu partout sur les réseaux, combien d'enfants a Elon Musk ? Elle est un peu à la louche. Plus de 8. 6 là, plus de 8, ouais, mais un chiffre précis. J'avais dit à 8, mais... 11. 7. 11 et 7. Ok, tu gagnes à 1 point près, il en a 10. Il a 10 gosses. Ouais, il en a eu 10. En gros, de 2000 à 2008, il a eu avec Justine Wilson, sa première femme, il en a eu donc 6. Ensuite, il a été avec Tallulah Riley, qui est une actrice qui est notamment dans Game of Thrones, mais il n'a pas eu d'enfant avec elle. Ouais. Ensuite, il a eu 2 enfants avec Grimes, qui est donc la chanteuse qu'on connaît tous. Il y a celui qui a le nom bizarre, XAE12, quelque chose. Oui. Un autre qui s'appelle Hexa Dark Sidéral, un truc comme ça. Enfin, c'est une couleur d'iPhone, quoi. Et ensuite, il en a eu 2 autres. Avec une de ses cadres chez Neuralink, donc une entreprise qu'il possède, qui s'appelle, que je retrouve le nom, Shivon Zilis, et c'est des jumeaux, et on l'a appris il n'y a pas longtemps. Okay. Et donc moi, je me suis dit, c'est trop bizarre, parce que ce mec-là, il est occupé à faire 75 tweets par seconde, il a genre 4 multinationales à gérer, ouais. Et donc, comment ça se fait que ce mec, et pourquoi ce mec a autant d'enfants, sachant qu'il est ultra occupé. D'autant plus qu'en plus, ça va contre le stéréotype qui dit, c'est un préconçu qu'on a, qui dit que plus on est aisé, plus on est riche, plus on est un pays développé, moins on a tendance à faire d'enfants. C'est d'ailleurs le pitch de Idiocratie, une comédie qui est sortie en 2007, qui est très connue, qui prend ce pitch-là. En réalité, d'ailleurs, pour démonter un peu ce truc-là, c'est pas réellement vrai. En vrai, c'est souvent les classes moyennes qui ont de moins en moins d'enfants, mais les ultra riches et les ultra pauvres en ont, eux, en revanche, beaucoup. Okay. Bref, donc j'arrive là-dessus et je me dis pourquoi. Et en fait, c'est parce que Elon Musk, lui, il croit dur comme faire à Idiocratie et à l'espèce de prophétie que ça dépeint. Et en fait, il veut complètement lutter contre ça. Et c'est un espèce de phénomène qui est en train d'émerger dans la Silicon Valley qui s'appelle le pronatalisme. Et tous les turbo-milliardaires de la Silicon Valley commencent à s'y mettre. C'est assez ouf. Ah, donc c'est genre conscient. Ah oui, bien sûr, c'est complètement en fait, volontaire. C'est un plan. Bien sûr, et tu vas voir que ça va très loin, c'est assez glauque. De conserver les gènes, c'est pour... Exactement. En gros, le pronatalisme, si tu veux, c'est un peu la saison 2 de l'immortalisme. L'immortalisme, c'était un truc qui était vachement en vogue ces dernières années et qui l'est toujours, par des gros milliardaires comme Jeff Bezos. On a les deux cofondateurs de Google aussi, Larry Page et Sergey, j'ai perdu son nom. Larry Page, il a investi dans une startup qui s'appelle Calico, qui promet d'éventuellement devenir immortel. On a exactement Larry Ellison, qui est le cofondateur d'Oracle, Peter Thiel de PayPal. Donc, c'est des gens qui mettent beaucoup de l'argent, enfin, qui ont mis beaucoup d'argent pour essayer de devenir immortel. Et en fait, on s'est rendu compte que, factuellement, c'est possible. On va peut-être pouvoir un jour défier la mort. Il y a déjà des organismes sur Terre qui sont immortels, etc. Mais ils se sont aussi rendu compte que, ils sont déjà vieux et ils seront peut-être morts. Ça va être tendu. Peut-être investi un peu tard, là. Faut se dépêcher. Ils s'y sont mis un chouïa tard. Et du coup, ces gens-là, qui croient dur comme faire à l'héritabilité des gènes, qu'en fait la solution pour continuer quelque part d'exister et de transmettre qui ils sont, c'est d'avoir beaucoup d'enfants et donc de procréer à mort. Le truc, c'est que ces gens-là, pour transmettre leur ADN, ils ne parlent pas beaucoup, très peu dans les médias, les pronatalistes qui considèrent que voilà, il faut qu'ils perpétuent leur génie, entre guillemets, leur ADN à mort. Sauf que Business Insider, qui sont très forts, ont réussi à aller interviewer un couple, Malcolm et Simon Collins, qui sont un peu les représentants des pronatalistes dans la Silicon Valley. Ils ont la tête de l'emploi, en fait. Et donc, eux, ils assument sans trop sourciller qu'en gros, ils croient que on est dans une chute du taux de natalité en Occident, et que donc l'Amérique du Nord et l'Europe, on est en train de subir une espèce d'extinction, je cite, une extinction des cultures, l'effondrement des économies, en fin de compte, l'effondrement de la civilisation. Rien que ça. Et donc pour eux, se multiplier... Le grand remplacement, quoi. Ils fument du crack. En fait, alors, tu vas voir, parce qu'après, on va parler de justement, le taux de natalité dans le monde, il va bien. Donc c'est eux où il y a un truc sous-jacent qui est un peu glauque. Et donc eux, en fait, ce sont un peu les dessous de Elon Musk. Elon Musk qui est la grosse figure de proue. Et en dessous, t'as plein de fortunes comme eux, qui sont très riches, qui viennent de la Silicon Valley, qui promeuvent ce truc-là. Elon Musk, notamment, il avait tweeté en août 2022 un tweet où il disait qu'en gros, carrément, pour vous dire dans quel mindset sont ces gens-là, qu'en fait, l'effondrement de la population mondiale due à un faible taux de natalité, ça serait pire que le changement climatique. Donc le mec est en roue libre absolue. Et donc, Business Insider finissent par réussir à avoir une interview avec ces fameux pronatalistes. Donc ils vont voir Malcolm et Simon Collins qui acceptent de parler. Et là, dans l'article, on a des phrases un peu genre lunaires. En gros, Malcolm et Simon Collins, avant même d'accueillir le journaliste de Business Insider chez eux, ils sont renseignés un peu sur son background. Voilà, c'est ça l'article. Ils se sont rendus compte que le mec, il avait un peu d'argent. Il était apparemment un peu beau gosse, il était éduqué, un peu blanc aussi. Et ils lui ont dit, écoute, si tu veux, t'es pas encore venu chez nous, mais on va te mettre sur une liste, si ça t'intéresse, t'es célibataire, on va te mettre sur une liste de gens performants. Donc, vous voyez un peu la logique dans laquelle ils sont. En fait, eux, c'est ils veulent. L'élite rencontre plus plus. Quoi. C'est le, voilà. En gros, lui, il vient faire un article, il se retrouve sur Tinder. Toi, t'es bien, toi. Tinder d'élite, tu vois, c'est n'importe quoi. Et il y a d'autres trucs, c'est qu'en fait, eux, que je vous retrouve la phrase, voilà, Simone explique très premier degré, et ça se retrouve dans l'article, que s'ils arrivent à fédérer assez d'autres membres de la classe supérieure, ces derniers, dans quelques générations, je cite, deviendront les nouvelles classes dirigeantes de ce monde. Leurs enfants seront à la tête de la planète. Et ils ont fait le calcul. Et là, vous allez voir à quel point ça part loin. Déjà, rien que faire le calcul, c'est une dinguerie. Qu'en gros, actuellement, les Collins, ils ont 3 enfants. Je crois que Thorsten, il y en a un qui s'appelle, Octavian et Titan Invictus. Me demandez pas pourquoi ils aiment bien avoir des noms chelous avec leurs gosses. Plus. Et en gros, ils ont fait le calcul que si ces 3 enfants-là s'engagent à avoir 8 enfants chacun, et que leurs 8 enfants chacun s'amusent à avoir 8 enfants, bref, on fait des multiples de 8 à l'infini, pendant 11 générations, si on considère, vous me dites si je vous perds, qu'une génération, c'est 25 ans. Donc, en gros, 275 ans. Mm-hmm. Dans un peu moins de 300 là, ans. Là, c'est fini. Hein. Peut-être, mais en tout cas, ils ont fait le calcul que dans un peu moins de 300 ans, si tous les enfants des enfants s'engagent à avoir 8 enfants chacun, ils dépassent la population mondiale. On est là, tu vois. Donc, ils font ces calculs-là. La génération Collins s'imagine Genghis Khan, tu vois. Genre, c'est de la qualité mixée à de la quantité en masse. Et, ils veulent juste. C'est les nobles qui se marient avec les nobles 2.0. En gros, c'est ça. Hyper prolifique. Tout le monde considère, en fait, si tu veux, que la société occidentale, ce qui est très grave en vrai, c'est quand même ultra chaud de penser ça, que la société occidentale est en déclin parce que, en gros, on se reproduirait plus assez, nous, en Amérique du Nord et en Europe, et que du coup, c'est un peu leur rôle à eux, si tu veux, de prendre à bas le corps ce problème. Les chiffres, voilà. Des naissances par pays donnent raison à cette idée, en tout cas. Ouais. Mais c'est la philosophie derrière qui est archi nauséabonde. Oui. En fait, voilà, c'est ça. Le truc, c'est qu'on peut se dire, oui, mais là, on parle de l'Occident, quoi. Mais si tu regardes à l'échelle du monde, il y a beaucoup de trucs qui nous disent qu'en 2050, on va atteindre les 10 milliards. Oui. Enfin, j'ai l'impression que ça va, tu vois. Et tu vas voir que ce premier volet de déjà se reproduire à balles entre élites pour se perpétuer eux-mêmes, il y a un deuxième volet à ça qui s'appelle les femtech. Est-ce que ça vous parle? Non. Non, me dit quelque chose, je l'ai vu passer. Mais... Les femtech, c'est en gros les technologies, ou en tout cas le domaine de la technologie de la natalité. Donc ça va de essayer de rallonger la période avant laquelle les femmes sont monoposées, donc peuvent avoir des enfants, tout choisir génétiquement tes gamins, en gros. Et quand l'eugénisme, quoi. De quoi ? Eh bien, l'eugénisme, on va y venir. Et, ouais, et en gros, l'idée, si tu veux, c'est que ces fortunes-là, en plus de se reproduire à mort, essaient de concevoir des enfants les plus parfait possible. Et t'as, on en parlait tout à l'heure justement avec Nicode, Sam Altman, qui est le cofondateur d'OpenAI, donc GPT, etc., qui lui a mis à masse d'oseille dans une startup qui s'appelle Genomic Prediction et qui utilise justement un espèce de procédé de sélection du génome un peu controversé qui s'appelle, que je vous retrouve le nom, PGTP, exactement, et qui permet aux parents de choisir les meilleurs embryons. Bref, vous voyez... juste homme, quoi. Voilà, c'est ça. En gros, tu choisis un petit peu quel type d'enfant tu veux. Est-ce que tu veux limiter les risques d'attaque cardiaque, les risques de diabète tu vois. Faire du sein à 25%. Ah non, mais c'est assez ouf, hein, à quel point ils vont loin. Et ce procédé-là, le PGT, le ultra ultra controversé, quoi. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis, Julia. En vrai, ça fait trop peur. Hein. De ouf. Mec, je trouve ça. On arrive à l'eugénisme. Vous voyez ce que c'est, l'eugénisme, ou pas du tout? Oui, dans les grandes lignes. Mais... Ouais, pareil, un peu. Moi, j'étais curieux juste de. Est-ce que c'est assumé, ce côté on veut que des blancs, etc. Par exemple. Tu vois, justement, lié à la couleur de peau, le côté ça n'a pas déjà rien que sur ce sujet-là. Le côté blanc n'est pas très assumé. En fait, ils assument le côté nous. On se reproduit nous parce que nous, on est en galère. Et très pragmatiquement, les populations qui explosent, l'Inde et l'Afrique et tout, ce n'est pas trop notre problème. Et d'ailleurs, le père d'Elon Musk, Errol Musk, a fait une sortie comme ça en disant que lui, ils se sont pas fait chier sur les noms. Lui, il a fait une sortie carrément en disant qu'en fait, ce qu'il inquiétait, c'était le taux de reproduction, ce qu'il appelle des nations productives. Donc c'est pour te dire, en fait, eux, ils veulent sauver l'humanité, mais pas l'humanité, une humanité, et c'est grave, la leur. Et c'est là où on arrive à l'eugénisme, ce que tu disais. En gros, l'eugénisme, c'est tous les procédés qui vont permettre par la natalité de sélectionner des humains plus sains dans le but d'arriver à une humanité améliorée. Et ça rappelle un petit moustachu un peu énervé entre 39 et 45, oui. ou une série qui comporte une servante écarlate et des scènes très glauques. Ouais. Ouais. Donc, ça, en France, c'est interdit. Aujourd'hui, si tu veux avoir un donneur, tu sais pas qui est le donneur en question, que ça soit don de sperme ou d'ovocyte. Voilà, tout est anonyme. Mais alors, c'est pas en Australie. Il n'y a pas un endroit où il y a des catalogues. C'est pas aux États-Unis où il y a des catalogues. Là, ça commence, Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment en France où c'est protégé. Je sais pas ouais, ce France, qu'il en est pour les autres pays du monde, mais je sais ça que ça peut ressembler à une culture nord-américaine. D'être mais là, plus d'abord, ouais, un catalogue. Plus mais que je... des donneurs, là, enfin, en tout cas pour ceux qui ont été interviewés, c'est plus. Ça a l'air d'être un petit peu plus à l'ancienne. C'est plus de l'entremettage de gens. Oui, c'est ça. Entre autres, en fait, si tu veux, eux, ils expliquent. Alors en fait, c'est de l'entremettage et en même temps, ils sont persuadés, si tu veux, que leur génie, leur mode de vie occidental, leur si eux ils sont riches, c'est parce qu'ils sont supérieurs. En gros, c'est comme ça que c'est considéré. Il y a notamment un proche de Musk qui a travaillé avec lui pendant très longtemps, qui s'est confié à Business Insider et qui leur a dit très premier degré que Musk était persuadé que ton niveau de richesse était directement lié à ton QI, tu vois. Donc on est sur ce genre de truc. Donc pour eux, en fait, le mode de pensée de gens qui ont déjà hérité de beaucoup d'argent. On en est là, tu vois. C'est là, bah tu te dis, je sais pas, pour te raccrocher à la vie, tu te dis que tu mérites tout ça et que tu es supérieur. Et en fait, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mmh. Et là, on est full là-dedans, parce que c'est des gens qui se pensent vraiment être des héros, qui estiment que si on tend à une humanité meilleure, bah, c'est leur humanité à eux qu'il faut préserver, parce que ça serait eux les plus intelligents, les plus forts, ceux qui ont réussi, et ceux qui aujourd'hui ont le pouvoir, tu vois. Et donc, on arrive dans un truc où des gens qui s'imaginent être des héros, alors que pas du tout, sont en train, parce qu'ils ont peur de ne pas réussir à contrôler dans le futur, à cause d'un taux de natalité trop bas, le monde qu'ils contrôlent aujourd'hui, confient ça à une prétendue descendance qu'ils essaient de modeler la plus performante possible. Donc voilà, va falloir choisir entre un potentiel effondrement selon eux ou créer Gilead, l'espèce de dictature de Handmaid's Tale, exactement. Ouais. Voilà, c'était le pronatalisme dans la Silicon Valley. C'est un vrai sujet, je vois bordel, que ça fait beaucoup parler dans le chat, parce que ça, eux, en gros, ils ont peur de se retrouver justement à 10 milliards d'humains sur Terre, de se retrouver à peut-être 450 millions aux États-Unis, ouais. En Europe un peu la même, et de se dire, bah, en fait, le nombre fait que, quoi qu'il arrive, on est trop faible et on pourra plus lutter. C'est des gens qui ont profondément peur. Par des pays comme l'Inde, etc., quoi. Ouais, c'est des gens qui ont profondément peur. Et c'est vraiment bizarre, cette manière de raisonner, quoi. C'est-à-dire que, avant d'essayer d'améliorer la condition des autres, c'est d'abord, je vais me reproduire moi, parce que moi, j'ai été capable d'en être là, tu vois. Enfin, c'est un truc que moi, je trouve assez malsain, en fait. Et quand on parle de génisme, on est complètement là-dedans. De toute façon, c'est ça qui est effrayant aussi. C'est-à-dire que toutes les clés, entre guillemets, des clés majeures du futur de l'humanité, que ça soit justement au niveau de l'immortalité, de la survivabilité, des avantages et du contrôle des monopoles, hein, finalement, on a l'impression que oui, ça appartient vraiment à de plus en plus petit cercle de gens qui sont auto-convaincus d'être les messies c'est ça. Et les messies, les détenteurs de l'humanité pour l'avenir. Mais tu vois, il y a le même mec qui a confié à Business Insider que Musk était persuadé que le QI était relié à la richesse, etc. Ouais. Il expliquait aussi que Musk, il exhorte littéralement tous les mecs riches qu'il connaît à faire à mort de gosse, tu vois. Genre vraiment, il est persuadé de ça. Et s'il y en a que ça a intéressé cette chronique, l'article de Business Insider est ultra long et des dingos comme le fait qu'ils ont calculer le nombre de générations qu'il leur faudrait pour avoir plus de gamins de leur lignée que... Enfin, l'article en est blindé, quoi. Et eux, ils te disent ça, normal, genre, bah oui, on défend juste notre civilisation. C'est terrifiant, hein, franchement. Ouais, c'est... voilà. C'est fou que ça soit le quotidien de ça. Enfin, c'est tellement, j'avoue que tellement loin et tout, mais j'avoue que c'est un sujet qui est passionnant, quoi. Et tous là-dedans, comme ce sont souvent des mecs qui sont au minima millionnaires, au maximum milliardaires, ils mettent tous à mort d'argent dans la femtech. Les femtech, donc pouvoir sélectionner ses gosses, rallonger de ouf la ménopause, cryogéniser ses embryons à mort, tu vois, à défaut de pouvoir être immortel parce qu'ils n'auront pas le temps. De pouvoir durer ou faire durer des générations de soit ils custom leurs gosses, je deviens fou. Ah bah c'est vraiment ça. Ouais. Hein. Et là t'as ce truc justement, on en parlait, mais ouais, non, ça fait longtemps, même les stars, les très très riches, etc., de pouvoir conserver tout type de choses. J'avoue que c'est... Putain, entre ça et l'IA, on est foutus, les gars. Ah oui, c'est l'apocalypse. Pete my gosse. Il y avait un tweet qui était passé qui parlait de Bienvenue à Gattaca. Ah, mais c'est pas vu. Très, très bon film. Ouais. Avec Ethan Hawke et Uma Thurman, il semble. Je l'ai pas vu. Et aussi Jude Law. C'est quoi le pitch? Le pitch, alors de souvenir, en gros, c'est pour aller dans l'espace pour une mission spatiale. Il y a Ethan Hawke qui veut faire partie d'un équipage, justement, qui a le privilège de pouvoir y aller. Le problème, c'est que pour pouvoir y aller, il faut être génétiquement parfait, passer tous les tests et, entre guillemets, être une machine de guerre, ce qu'il n'est pas parce qu'il a des soucis de santé divers. Et du coup, je vais pas tout spoiler, mais du coup, il va trouver un moyen, notamment avec la rencontre de Jude Law, pour essayer d'outrepasser ces tests. D'accord. Ouais. Ah, il y a la bande-annonce là, si vous voulez. Non, mais merci beaucoup, Simon. Bah, avec vraiment plaisir, un sujet passionnant. Je sais aussi que ça vous intéresserait. Donc. Bah, clairement, honnêtement. J'avoue qu'avec le combo Micode et moi, j'avoue qu'on est. Ah ouais, non, mais intéressant. Moment, on plonge quand c'est émission à 18h, faut s'accrocher. Je vous dis, s'il y en a qui sont dans le métro, faut pas arriver au milieu, quoi. C'est ce qui se passe.